Une saison au théâtre, bonjour à toutes et bonjour à tous. La morale et la faiblesse de la cervelle, a écrit Arthur Rimbaud dans Une saison en enfer. C'est avec ces mots d'un poète qu'elle a lu et relu, comme on s'abreuve à une source vitale, que nous accueillons aujourd'hui une spécialiste de Sade et du surréalisme, l'écrivain Annie Lebrun. Auteur de Ce qui n'a pas de prix, essai publié aux éditions Stock, livre indispensable à quiconque refuse de renoncer à la beauté, l'imaginaire et la passion, Annie Lebrun traque la laideur qui envahit le monde et s'impose à nos regards, quel que soit l'endroit où ces derniers se portent. Il est temps avec elle, grâce à elle, d'ouvrir les yeux sur ces puissances mercantiles qui nous entourent, nous dupent et nous sidèrent, temps de se révolter contre le règne d'une finance qui contamine chaque espace de créativité et de liberté. Cela vaut aujourd'hui pour l'art contemporain, mais cela vaudra peut-être demain pour le théâtre, la littérature, la musique, la poésie et même pour les promeneurs en quête de paysages pas encore pollués par l'argent et son corollaire, la marchandisation. Dernière émission avant l'été, nous ouvrons aujourd'hui à sa page la plus intransigeante, l'encyclopédie en mouvement d'une saison au théâtre. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue. Bonjour Annie Lebrun. Bonjour. Merci d'être avec nous au micro d'une saison au théâtre pour parler de Ce qui n'a pas de prix, ouvrage publié aux éditions Stock et lecture dont on sort avec une conscience aiguë redoublée de la vigilance à exercer si nous ne voulons pas sombrer dans votre ligne de mire. L'argent, la finance, leur collusion avec l'art, donc aussi dans la foulée les faux artistes, les intellectuels paresseux, les médias complices, les marchands de cosmétiques, bref, tout ce qui fait qu'on avale sans sourciller des commentaires aussi incroyables que ceux livrés par un critique du Guardian qui évoquait la collection de sacs à main conçue pour la fondation Vuitton par Jeff Koons en ces termes. Il ne s'agit pas d'une simple ligne de sac de luxe, mais d'une méditation en forme de sac. Une méditation en forme de sac. Comment, Annie Lebrun, en sommes-nous arrivés à confondre une ligne de sac à main de luxe avec une méditation en forme de sac? Je ne sais pas. C'est bien la question que je me suis posée, puisque c'est de ça dont il s'agit et que on veut maintenant nous faire assister à la grande transmutation de l'art en argent, de l'argent en art. Et c'est ça qui me semble être devenu le sujet de l'art contemporain, enfin d'un certain art contemporain. C'est à partir de là que j'ai commencé à essayer de réfléchir pour comprendre ce qui se passait. C'est-à-dire que d'un côté, on n'avait jamais tant parlé d'esthétisme, d'activité culturelle, et d'un autre côté, on pouvait constater un enlaidissement du monde qu'on pourrait dire galopant. C'est un constat que vous avez fait petit à petit ou qui s'est brutalement imposé à vous, ce constat de la laideur qui gagne partout, Annie Lebrun? Petit à petit, parce que c'est en 2000, je crois, j'avais fait un constat, parce qu'en général, je commence à essayer de réfléchir quand je ne peux plus respirer ou quand je ne comprends pas ce qu'on est en train de vivre. Donc en 2000, j'avais réfléchi sur les changements qui me semblait apparaître dans le monde où on vivait. Et j'en étais arrivée à constater ce que j'avais appelé un trop de réalité qui était lié à la surproduction de marchandises, d'images, etc. Et qui entraînait une sorte de gavage qui tout d'un coup transformait complètement la nature de la censure. C'est que tout d'un coup, la censure ne se pratiquait plus par les interdictions comme auparavant, mais au contraire par un excès. Par un excès d'informations, de signes, etc., qui faisait que tout était indifférencié et qu'il n'y avait plus besoin d'interdire, puisque les choses elles-mêmes s'annihilaient entre elles. Et du même coup, là, à ce moment-là, je m'étais rendu compte qu'il y avait une menace très grande, justement, à la fois pour le jugement critique dans ces conditions-là, et puis pour la sensibilité qui commençait à perdre ses perspectives. Mais le temps passant, il m'a semblé que quelque chose s'était aggravé. Et je ne comprenais pas quoi. Et puis, je voyais que les choses s'enlaidissaient. Enfin, ça, c'est au-delà même des nuisances grandissantes que chacun peut remarquer, dont on parle aussi dans les journaux, dans l'actualité. On pouvait voir aussi qu'il y avait une sorte d'invasion, justement, du monde sensible, ne serait-ce qu'à travers la pollution des villes, en ce sens que, tout d'un coup, les villes étaient gentrifiées, c'est ça qu'on dit ? Oui. Oui. Et que, tout d'un coup, se mettaient en place des décors, des villes qui n'en étaient plus et qui étaient complètement assujetties, justement, à la marchandisation. De la même façon, il me semblait que ça allait de pair avec tout ce qui se passe du côté de la chirurgie esthétique. Donc, tout d'un coup, il y avait les lèvres botoxées, les immeubles relookés, c'est ça et tout. Et bon, et cette fausse beauté, n'est-ce pas, aussi, me semblait participer d'un enlaidissement particulier du monde. Mais en même temps, je n'arrivais pas à comprendre. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'on était passé, sans beaucoup, sans crier gare d'ailleurs, d'une société du trop de réalité, de ce que j'avais défini comme du trop de réalité, à une société de trop de déchets. Mmh. Et qu'on était actuellement, depuis 20 ans, dans une civilisation qui n'arrivait plus du tout à gérer ses déchets. Et qui, pour continuer à fonctionner comme elle fonctionne, en dépit des discours consolants auxquels on a droit périodiquement, eh bien, avait mis en place tout un système, à la fois pour faire accepter et dénier cette situation-là. Donc ça tournait autour justement du déchet, de la laideur des déchets, de la décomposition du monde, mais d'un autre côté, une fausse beauté qui servait à empaqueter tous ces déchets et à faire quelque chose d'hermétique pour camoufler tout ça. Et du coup, j'ai essayé de voir d'où ça venait. Et c'est là qu'il m'a semblé, alors inquiétant, saisissant, la collusion qui s'était faite entre l'art dit contemporain et la haute finance, et qui correspondait justement au début de la financiarisation de l'économie. Vous savez, Annie Lebrun, en lisant ce livre, qui est absolument passionnant, franchement, de page en page, on ouvre les yeux, en fait. Vous dessillez le regard, c'est assez étonnant. Je pensais beaucoup à une phrase que vous connaissez sûrement de Freud, enfin qu'on rapporte à Freud, arrivant aux États-Unis et disant à Jung et à Ferenczi, ils ne savent pas que nous leur apportons la peste. Mmh. Qui nous a apporté la peste ? Qui nous a apporté cette laideur ? Est-ce que ce sont les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est juste effectivement la finance, l'ère de la marchandisation, le libéralisme ? Qui sont les fossoyeurs de la beauté ? Je ne crois pas aux théories du complot. Mais il y a effectivement un mouvement général qui fait, qui est sans doute la marche du capital, qui fait que cette marchandisation frénétique, justement pour faire accepter tout en déniant la marche des choses, amène à cette laideur-là. Parce que, aussi, quelque chose de très grave, c'est aussi une des raisons qui a fait que il m'a semblé que c'était sous cet angle-là qu'il fallait aborder le problème, c'est que quand on regarde les civilisations traditionnelles, dans quelque pays que ce soit, dans quelque coin du monde que ce soit, toutes produisent des objets splendides. Toutes produisent des maquillages extraordinaires. Toutes produisent des costumes éblouissants. Alors, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, on a perdu ce rapport au monde qui faisait qu'il y avait une sorte d'exaltation de la vie qui passait par ces moyens d'expression spontanés. Mais est-ce que nous n'aurions pas perdu la mémoire, tout simplement, ou le désir de mémoire ? Vous parlez à un moment donné dans le livre de la disparition du musée des arts et traditions populaires et vous déplorez cette disparition. Oui. Est-ce que nous sommes une civilisation qui est en train de faire fi de sa mémoire ? Je pense que oui, parce qu'il y a une sorte aussi de marchandisation de la mémoire, plutôt une marchandisation du passé, comme par exemple l'a très bien mis en lumière Boltanski dans son dernier essai, parce qu'il y a cette marchandisation, et puis d'un autre côté, la mémoire est gênante parce qu'elle suppose une distance par rapport à ce qu'on vit. Or, justement, la civilisation informatique se définit par une occupation totale de l'attention de son utilisateur. Donc il faut empêcher le surgissement de la distance qui va permettre la prise de conscience du passé. Et c'est pour ça que une des voies dans laquelle s'engage l'art contemporain et vraisemblablement, d'après ce que j'ai pu en savoir, le théâtre, qui est justement dans une sorte de prise d'en otage du passé, qui aboutit à un écrasement de la conscience historique et qui réduit tout ça à un gigantesque magasin d'accessoires, d'autant plus merveilleux qu'on peut aller prendre n'importe quoi et le présenter de n'importe quelle façon. Alors nous avons à la radio notre magasin d'accessoires à nous, mais je ne pense pas que nous en fassions mauvais usage, je l'espère. C'est Lina, et nous sommes allés à Lina chercher une voix qui vous est chère, je pense, puisque c'est celle d'André Breton, chef de file du surréalisme. En l'occurrence, il fait, dans l'extrait que vous allez entendre, le portrait, en 1946, d'Antonin Artaud. Il continue, en l'occurrence, à n'y avoir de licite que trois mots d'ordre, dont je maintiens qu'ils sont pleinement compatibles: transformer le monde, changer la vie, refaire de fond en comble l'entendement humain. Antonin Artaud est de nos jours celui qui s'est porté seul, le plus témérairement loin dans cette voie. À plus de 20 ans derrière nous, j'entends sourdre l'espoir indistinct, irrépressible, qui nous a conditionnés à quelques-uns et soulevés au-dessus de nous-mêmes. Je pense à tout ce qui nous a possédés alors, à ce torrent qui nous précipitait en avant de nous, emportant dans un rire de cascade tout ce qu'on nous opposait. Le secret de cette énergie est à retrouver. Chaque fois qu'il m'arrive d'évoquer, avec nostalgie, ce qu'a été la revendication surréaliste, s'exprimant dans sa pureté, dans son intransigeance originelle, c'est la personnalité d'Antonin Artaud, magnifique et noir, qui tout de suite s'impose à moi. C'est une certaine intonation de sa voix qui met les paillettes d'or dans le murmure. Voilà ce qui s'appelle avoir le verbe haut. Hein. André oui. Breton n'était pas en manque de rhétorique et de passion. Oui. Je voulais vous faire entendre ce qu'il disait sur Artaud, parce qu'il me semble que dans le théâtre, peut-être, ce qui nous sauve de ce qui a contaminé visiblement l'art contemporain, c'est des gens comme Artaud. Et je pense qu'il y a des Antonin Artaud dans l'art contemporain qui sont aux origines de cet art d'aujourd'hui, et simplement peut-être qu'ils ne sont plus entendus. Pourquoi ne seraient-ils plus entendus alors que nous, nous parvenons encore à entendre Antonin Artaud? Parce que vraisemblablement, l'investissement, la part, la présence de l'argent est beaucoup plus grande, justement. Parce qu'il s'agit de, quand on voit ce que représentent les sommes colossales qui sont investies, dont je ne suis pas très au courant, mais à la fois dans ce marché de l'art, mais d'un autre côté, dans la réalisation de ces œuvres qui sont gigantesques. Et ça aussi, ce n'est pas pour rien qu'elles sont gigantesques, parce qu'elles provoquent ces effets de sidération. Et quand on entend les artistes, quand on entend les conservateurs, ils veulent cette sidération. Et qu'est-ce que c'est cette sidération si non, une sorte de paralysie de la pensée en face, c'est finalement. Ça, c'est ça. Et qui met la personne dans un état d'impossibilité de réagir tout de suite. Mais est-ce que vous pensez que si Antonin Artaud existait aujourd'hui, d'une part, il serait encore publié, et faudrait-il le lucéter? Parce que finalement, ce qu'on comprend aussi à travers la lecture de ce qui n'a pas de prix, c'est que l'art, dans les musées, s'effondre sur lui-même d'une certaine manière, que même les musées publics ne parviennent pas à le sauver de la compromission. Non, parce qu'il y a cette pression-là, et puis il y a cette sorte de nouvelle forme de colonisation qui est la colonie, ce que j'appelle la colonisation de nos espaces intérieurs. C'est-à-dire que pendant longtemps encore, tout ce qui était du domaine sensible, même du domaine de la parole et de l'écriture, avait une sorte d'existence un peu protégée en dehors de ces flux et de ces chaos marchands. Et de moins en moins, c'est justement ça, parce qu'on s'est aperçu que là aussi, comme on se trouve avec un monde en quête de tous les marchés possibles, tout d'un coup, on s'aperçoit que là, c'est un marché extraordinaire, parce que aussi, il est extrêmement diversifié, et qu'on peut proposer des tas de produits. Et on voit bien comment, ce qui se passe justement avec toute la politique culturelle des musées, des États, etc. Parce que tout d'un coup, c'est une nouvelle façon de pouvoir manipuler les gens. Et c'est ça qui m'a aussi paru très grave. Mais c'est ce qui est très inquiétant quand on vous lit Annie Lebrun, c'est qu'au fond, nous ne serions plus du tout maîtres de nos désirs, si on observe bien ce que vous dites. Je pense qu'il y a une tentative de ce côté-là. C'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça, justement, effectivement, comme vous le dites, par exemple, que justement une activité comme celle du théâtre, qui, les autres activités qui sont du domaine sensible, sont et à la fois particulièrement menacées et d'un autre côté demandent encore plus de conscience, de savoir quel est l'enjeu de leur existence. France Culture, une saison au théâtre, Joël Gaillot. J'aimerais vous faire entendre, Annie Lebrun, la voix d'un artiste que vous n'avez pas encore nommé, mais enfin, c'était sensiblement de lui dont vous parliez et d'autres dans vos prises de parole précédentes. Il s'agit de l'artiste Jeff Koons. Interviewé sur France Culture en 2014 sur le prix de vente exorbitant de ses œuvres, il faut savoir qu'un Koons se vend 58 millions d'euros quand un Courbet se vend 2 millions. This type of dialogue that's taking place around art se produit autour de l'art et de l'argent. It's polemic because c'est très polémique parce que bon, c'est très populaire en fait. Doesn't really get involved so much in art. Vous savez, il n'y a pas tellement de gens qui sont impliqués dans l'art. Toute personne impliquée dans l'art connaît la véritable valeur de l'art. C'est la façon dont ça change votre vie. Et ça ne coûte jamais un centime, ça. Vous pouvez aller dans un musée gratuitement, vous pouvez regarder quelque chose, vous pouvez partir, avoir cette image dans votre cœur, dans votre esprit, pour toujours. L'art est plus accessible aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été dans l'histoire du monde. On peut aller en ligne, sur Internet, on peut voyager dans les collections de tous les musées du monde, on peut trouver vos sculptures favorites, vos tableaux favoris, vous pouvez les imprimer, vous pouvez les coller sur vos murs. L'art est plus accessible et l'information sur l'art aussi est beaucoup plus accessible. Vous savez, ce domaine de l'art et de l'argent, ce n'est pas intéressant, mais je ne trouve pas que l'argent soit une valeur. Ce n'est pas ça la valeur. On peut trouver séduisant hein, ce que dit Jeff Koons et en même temps on se dit, et pour parler un peu trivialement, il nous enfume. Mais oui, mais bon, c'est le il même. Il est où le mensonge. Il dit que pour lui, l'argent n'a aucune valeur. Sauf que, bon, et par exemple, quand quelqu'un l'avait interviewé autour de ces immondes sacs qu'il produit avec Vuitton, Arnault et compagnie. Ces méditations en forme de sac, ça va rester ça. En forme de sac, c'est quand même extraordinaire. Okay. Qui se vendent, c'est-à-dire sur ces toiles cirées, parce que les sacs Vuitton, c'était de la pire toile cirée, c'était très moche comme matière, déjà la matière est dégoûtante. Et en plus, là maintenant, on reproduit, et ça, les musées, alors les grands musées sont complètement partie prenante de ça, eh bien, on reproduit là-dessus Van Gogh, Courbet, etc., etc. Et quelqu'un qui faisait remarquer, justement, à cette histoire d'argent, quand même, il y a certaines personnes qui osent un tout petit peu, devant Jeff Koons, lui dire que quand même, ça vaut assez cher ce qu'il produit. Par exemple, les sacs, je crois le prix moyen de ces sacs qu'on peut acheter aux Galeries Lafayette, c'est autour de 3000 euros. C'est les petits modèles. Bon. Parce qu'à nouveau, là, à cette occasion-là, il expliquait que c'était la démocratisation de l'art, c'était l'art dans la rue. Et là, il a fait remarquer que, oui, bon, 3000 euros, c'est rien du tout par rapport justement au prix auquel on vend ces autres œuvres, auxquelles on a fait allusion. Et après, d'un autre côté, les gens lui ont dit, mais bon, même 3000 euros, les gens, mais ils n'ont qu'à regarder ça dans la vitrine. Donc bon, on atteint quand même des sommets de cynisme incroyables. Et ça aussi, je pense que c'est une dimension nouvelle qui est promue comme jamais encore. Parce qu'elle vient aussi de toutes les techniques, de tous les traités de management. Ce cynisme-là est le cynisme des maîtres et le cynisme des vainqueurs. Mais on est dans une situation telle qu'il faut que cette fausse conscience soit maintenant inculquée au monde entier. C'est-à-dire à tous les étages de la société. Et ça, c'est très grave. Vous parlez d'ailleurs de dressage à la laideur. Le mot est fort. Et je pense que c'est de ça dont il s'agit. Mais il y a quelque chose au cynisme. Et au cynisme. Il y a quelque chose, justement, par rapport au cynisme que vous développez dans le livre, que j'ai trouvé extrêmement intéressant, parce que c'est rarement dit. Vous parlez justement de ces vainqueurs et, au fond, presque de leur code de langage. Il y a un psaume que j'aime beaucoup qui dit « Maudit soit qui s'assied au banc des rieurs ». Et vous soulignez cet usage qui est fait, justement, par les puissants, les vainqueurs, de la dérision. C'est espèce de troisième degré, cinquième degré, auquel le commun des mortels, finalement, ne comprend rien parce qu'il ne comprend rien à rien. Ce qui oriente d'ailleurs votre livre dans une perspective extrêmement politique aussi, Annie Le Brun. Il est très politique, ce livre. Mais est-ce que, justement, ces vainqueurs ont un langage à eux, ont un vocabulaire à eux, un registre de langage particulier ? Je ne sais pas, ça serait leur faire beaucoup de crédit. Peut-être pas aller jusque-là. Oui, en particulier. Mais il y a effectivement des comportements cyniques. Et en particulier, il y a une chose qui, au départ, j'ai commencé à me demander, mais qu'est-ce que c'est, pourquoi ? Il y avait partout, on voyait un livre, ceci n'est pas un livre, ceci n'est pas une exposition, ceci n'est pas... Attends, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Bon, évidemment, ça renvoie au célèbre tableau de Magritte qui a peint une pipe et il est écrit que ceci n'est pas une pipe. Bon, ça c'est quelque chose d'assez classique, de bien voir que la représentation de la chose n'est pas la chose. Mais ce qui m'a paru extrêmement intéressant, c'est que l'utilisation même de ça, qui fait partout dans la publicité, et qui dans le fond renvoie à cette forme de cynisme qui repose sur le déni et qui renvoie à cette attitude que vous soulignez, c'est-à-dire on fait une chose mais en même temps c'est pas ça, vous n'avez pas compris. Et c'est extraordinaire parce que c'est une façon à la fois de se défausser et de notre côté de se mettre dans une position de surplomb. Donc à tous les coups l'on gagne. J'espère que le théâtre, qui a un grand profondeur de textes, de mots, de passion aussi, je le souhaite qu'il soit encore en quête de ça, échappe à ce cynisme. Ça ne l'empêche pas d'être, lui, la proie ou la victime de certains propos un peu cyniques et parfois même très abusifs, comme par exemple ce soupçon d'élitisme qui lui colle à la peau et pour lequel j'avais interviewé un de vos compagnons intellectuels et affectifs, qui est le philosophe Olivier Neveu. J'aimerais vous le faire écouter, répondant justement à cette accusation d'élitisme dont on taxe régulièrement le théâtre. Enfin, on sait bien qu'aujourd'hui les élites ne vont pas au théâtre, on a des élites tout à fait incultes et tout à fait analphabète. Les élites, une partie de l'élite va encore à l'opéra, mais elles ne vont plus au théâtre. Donc cette chose-là n'est pas vraie. C'est sociologiquement, me semble-t-il, d'autres catégories qui sont touchées. Et puis, ce qui se passe devant une œuvre est tout à fait irréductible quand même. Alors ça ne veut pas du tout dire qu'il faille abandonner un travail de popularisation des œuvres. On sait bien que les théâtres sont des lieux effectivement intimidants, que, comme disait Bourdieu, que je vais citer une fois, n'est pas coutume, le désir de culture est aussi un désir cultivé. Il n'empêche que devant une œuvre, nous sommes tous plus ou moins égalité dans ce qu'elle peut bouleverser d'une vie. Je pense à un texte ou à une intervention très belle qu'avait fait Maggie Marin il y a quelques années, la grande chorégraphe Maggie Marin, à l'occasion d'un rassemblement de protestation contre la baisse du budget de la culture, sur ce que l'art peut transformer dans une vie. Et à ce titre-là, il transformera un gamin issu des milieux populaires tout aussi bien que d'autres catégories sociales. C'est une manière de vouloir le discréditer qui n'est pas effective. Effectivement, il a raison, Olivier Neveu, c'est pas effectif. En tout cas, on espère que ça ne le deviendra pas. Mais l'émancipation par l'art, la vie bouleversée, que le théâtre, je crois, a encore la possibilité de créer chez celui ou celle qui va face à lui, a l'air d'avoir déserté l'art contemporain. Et vous racontez cette histoire absolument incroyable de Anish Kapoor achetant à prix d'or ce noir, le Venta Black, ce noir d'un particulier qui est né dans les officines militaires, je crois d'ailleurs, comme un rapt opéré sur finalement un bien commun. Et donc aussi, quelque chose qui relève de l'art en partage, est-ce qu'on est en train de nous priver de nos possibilités d'émancipation, Annie Le Brun ? Je pense que oui. Et puis je pense aussi que même dans le théâtre, il y a aussi une tendance à cette sorte de dérision, d'ironie qui n'est pas du tout l'humour, mais d'ironie, et qu'un certain nombre de gens se sont engouffrés là-dedans pour justement qui cultivent aussi cette sorte de cynisme, parce que ce cynisme-là, c'est très très important, c'est quelque chose qui permet de neutraliser et qui permet d'empêcher le surgissement de la véritable contestation, de la négation. Bon, et effectivement, il s'agit aussi de faire disparaître, par cette attitude de désinvolture, de faire disparaître ce noir qui est si important. Et justement, dont parlait Breton à propos d'Artaud, qui disait à quel point cette nuit qui sort de ce que profère Artaud nous importe tous. Et alors, du coup, ça ramène à cette histoire à laquelle vous avez fait allusion, d'Anish Kapoor, qui s'est passée au début du moment où je commençais à rédiger ce texte-là. Parce qu'à un moment, je me suis demandé, est-ce que je commence par la beauté, en fait, cette production de beauté frelatée qui m'avait tellement choquée. Et puis, tout d'un coup, il y a eu l'annonce de l'achat par une des vedettes de l'art contemporain d'une couleur qui s'appelle le vente à black, qui est la couleur noire, et pas seulement l'achat, le monopole. Donc on s'est trouvé dans la situation où un artiste se payait le monopole du noir. Et là, ça m'a paru d'une force symbolique extrême, parce que, bon, on sait à quel point le noir, les ténèbres, le sombre, toutes les variétés du sombre ont eu une importance déterminante dans l'histoire de la sensibilité. Et ne parlons pas aussi, puisqu'il s'agit ici du théâtre, dans l'histoire du spectacle, puisque le spectacle sort toujours de cette nuit-là. Hein. Bon, et là, quand j'ai vu ça, quand je me suis rendu compte de ça, et en voyant aussi comment il était réagi à ça, on en parlait un petit peu comme d'une histoire esthétique, presque d'une affaire de peintre qui, quand même, veut affirmer son pouvoir. Mais il m'a semblé que c'était beaucoup plus grave que ça, et d'autant que les caractéristiques de ce noir-là, qu'on appelle noir absolu, sont telles que quand on recouvre un objet de cette peinture-là, cet objet perd tout son relief. Et on ne voit plus qu'un trou, c'est tout. Donc là aussi, il y avait cette sorte de métaphore. La métaphore est éloquente. La métaphore fait que c'est ça. On veut nous convaincre que c'est un peu circulé, il n'y a rien à voir, parce que derrière tout ça, il y a aussi le désir de faire que, justement, on fasse l'économie d'imaginer qu'il y a d'autres solutions que celles qu'on nous impose. Parce que, aussi, dans les sortes de révélations que j'ai eues, c'est quand je travaillais autour de ça, je me suis rendu compte qu'un des plus grands marchands et galeristes d'art contemporain à Londres, Saatchi, qui a promu toutes les grandes expositions spectaculaires et qui est un des rois du marché, eh bien, dans les années 90, c'est lui qui a orchestré le succès de Margaret Thatcher, la fameuse créatrice de la phrase « Il n'y a pas d'alternative ». Et c'est de ça aussi dont on veut nous convaincre, justement par l'invasion de tout ce qui est de l'ordre sensible. Dernière question, Annie Lebrun, j'imagine qu'elle vous a déjà été posée, mais alors, si tout a un prix, qu'est-ce qui n'a pas de prix? Ce qui n'a pas de prix, hormis votre livre, qui n'a pas de prix, effectivement, c'est quoi? C'est tout ce pourquoi on vit. C'est aussi simple que ça. Bon, il faut voir aussi à quoi s'attaque ce monde-là. Il s'attaque au rêve, il s'attaque à la passion. C'est la rêverie, c'est le sommeil, c'est la passion, c'est l'amour, c'est tout ça qui n'a pas de prix. Et c'est aussi l'attention. Alors ça, je pense aussi que c'est très, très, très important de se rendre compte à quel point notre attention est guettée continuellement. Tout est fait en sorte pour qu'il y ait notre attention soit continuellement captive. Et il suffit peut-être d'essayer de prendre un tout petit peu de distance, et peut-être que là, c'est une forme de... À la fois, l'horizon peut avoir un peu plus de profondeur, et puis on commence à un peu respirer mieux. Et puis, il n'y a pas non plus de regard critique, ni de regard amoureux sans distance. Merci beaucoup Annie Lebrun d'être venue nous éclairer et éclairer le théâtre aussi, même si on n'a pas parlé frontalement de théâtre dans cette émission. Je rappelle la publication de votre livre « Ce qui n'a pas de prix », c'est un essai qui est paru aux éditions Stock et c'est une lecture à mon sens indispensable pour quiconque souhaite penser le monde et non le subir. Vous pouvez et même vous devriez podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre. Inès Duperron, Emmanuel Morse-Duncan, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous saluent. Bientôt 15h sur France Culture, c'est le moment de retrouver Aurélie Luneau et son magazine De cause à effet. Excellent dimanche à vous tous, excellentes vacances à vous tous. On se retrouve dès la fin d'été, même jour, même heure, pour une nouvelle saison au théâtre. Don't come easy. The chains of the world, they seem to move in tight. I try to walk around and was stumbling, so familiar. gone to me lately. Well, but I suppose it's a bush for moving on.